cœur brûle toute la journée. Et si le feu est mon ami, sache que le froid l'est aussi. La neige et l'eau, je les aime aussi. Et ce temps si mélancolique me rappelle les journées passées avec toi et la neige qui tombait et moi qui t'embrassais. Oh, tu es dans mon cœur à jamais. Et si mon plus grand souhait est de me rouler dans la neige avec toi, faire des photos, profiter, sourire, m'enterrer dans la neige, c'est que en hiver, je t'aime. Et ce temps si mélancolique me rappelle les journées passées avec toi et la neige qui tombait et moi qui t'embrassais. Oh, tu es dans mon cœur à jamais. Et ce temps si mélancolique me rappelle les journées passées avec toi et la neige qui tombait et moi qui t'embrassais. Oh, tu es dans mon cœur à jamais.